Livre 6, troisième partie. À Nîmes, j'allais voir les arènes. C'est un ouvrage beaucoup plus magnifique que le pont du Gard, et qui me fit beaucoup moins d'impression. Soit que mon admiration se fût épuisée sur le premier objet, soit que la situation de l'autre, au milieu d'une ville, fût moins propre à l'exciter. Ce vaste et superbe cirque est entouré de vilaines petites maisons, et d'autres maisons plus petites et plus vilaines encore en remplissent l'arène, de sorte que le tout ne produit qu'un effet disparate et confus, où le regret et l'indignation étouffent le plaisir et la surprise. J'ai vu depuis le cirque de Vérone, infiniment plus petit et moins beau que celui de Nîmes, mais entretenu et conservé avec toute la décence et la propreté possible, et qui, par cela même, me fit une impression plus forte et plus agréable. Les Français n'ont soin de rien et ne respectent aucun monument. Ils sont tout feu pour entreprendre et ne savent rien finir ni rien entretenir. J'étais changée à tel point, et ma sensualité mise en exercice s'était si bien éveillée, que je m'arrêtai un jour au pont de Lunel pour y faire bonne chère avec de la compagnie qui s'y trouva. Ce cabaret, le plus estimé de l'Europe, méritait alors de l'être. Ceux qui le tenaient avaient su tirer parti de son heureuse situation pour le tenir abondamment approvisionné et avec choix. C'était réellement une chose curieuse de trouver, dans une maison seule et isolée au milieu de la campagne, une table fournie en poissons de mer et d'eau douce, en gibier excellent, en vin fin, servi avec ses attentions et ses soins qu'on ne trouve que chez les grands et les riches. Et tout cela pour vos 35 sous. Mais le pont de Lunel ne resta pas longtemps sur ce pied, et à force d'user sa réputation, il la perdit enfin tout à fait. J'avais oublié, durant ma route, que j'étais malade. Je m'en souvins en arrivant à Montpellier. Mes vapeurs étaient bien guéries, mais tous mes autres maux me restaient, et quoique l'habitude m'y rendît moins sensible, c'en était assez pour se croire mort à qui s'en trouverait attaqué tout d'un coup. En effet, ils étaient moins douloureux qu'effrayants, et faisaient plus souffrir l'esprit que le corps, dont ils semblaient annoncer la destruction. Cela faisait que, distrait par des passions vives, je ne songeais plus à mon état, mais comme il n'était pas imaginaire, je le sentais sitôt que j'étais de sang-froid. Je songeais donc sérieusement au conseil de Madame de Larnage et au but de mon voyage. J'allais consulter les praticiens les plus illustres, surtout Monsieur Fize, et pour surabondance de précautions, je me mis en pension chez un médecin. C'était un Irlandais appelé Fitzmaurice, qui tenait une table assez nombreuse d'étudiants en médecine. Et il y avait cela de commode pour un malade à s'y mettre, que M. Fitzmaurice se contentait d'une pension honnête pour la nourriture et ne prenait rien de ses pensionnaires pour ses soins comme médecin. Il se chargea de l'exécution des ordonnances de M. Fize et de veiller sur ma santé. Il s'acquitta fort bien de cet emploi quant au régime. On ne gagnait pas d'indigestion à cette pension-là, et quoique je ne sois pas fort sensible aux privations de cette espèce, les objets de comparaison étaient si proches que je ne pouvais m'empêcher de trouver quelquefois en moi-même que M. de Torignan était un meilleur pourvoyeur que M. Fitzmaurice. Cependant, comme on ne mourait pas de faim non plus, et que toute ma jeunesse était fort gaie, cette manière de vivre me fit du bien réellement, et m'empêcha de retomber dans mes langueurs. Je passais la matinée à prendre des drogues, surtout je ne sais quelles eaux, je crois les eaux de Valls, et à écrire à Madame de Larnage, car la correspondance allait son train,

si ce malheureux penchant venait à se déclarer. Mais pourquoi m'exposer à ce combat? Quel misérable état de vivre avec la mère, dont je serais rassasié, et de brûler pour la fille sans oser lui montrer mon cœur. Quelle nécessité d'aller chercher cet état, et m'exposer au malheur, aux affronts, aux remords, pour des plaisirs dont j'avais d'avance épuisé le plus grand charme. Car il est certain que ma fantaisie avait perdu sa première vivacité. Le goût du plaisir y était encore, mais la passion n'y était plus. À cela se mêlaient des réflexions relatives à ma situation, à mes devoirs, à cette maman si bonne, si généreuse, qui, déjà chargée de dettes, l'était encore de mes folles dépenses, qui s'épuisait pour moi et que je trompais si indignement. Ce reproche devint si vif qu'il l'emporta à la fin. En approchant du Saint-Esprit, je pris la résolution de brûler l'étape du bourg Saint-Andiol et de passer tout droit. Je l'exécutai courageusement, avec quelques soupirs, je l'avoue, mais aussi avec cette satisfaction intérieure que je goûtai pour la première fois de ma vie de me dire « Je mérite ma propre estime. Je sais préférer mon devoir à mon plaisir. Voilà la première obligation véritable que j'ai à l'étude. » C'était elle qui m'avait appris à réfléchir, à comparer. Après les principes si purs que j'avais adoptés, il y avait peu de temps, après les règles de sagesse et de vertu que je m'étais faites et que je m'étais sentie si fière de suivre, la honte d'être si peu conséquent à moi-même, de démentir si tôt et si haut mes propres maximes, l'emporta sur la volupté. L'orgueil eut peut-être autant de part à ma résolution que la vertu, mais si cet orgueil n'est pas la vertu même, il a des effets si semblables qu'il est pardonnable de s'y tromper. L'un des avantages des bonnes actions est d'élever l'âme et de la disposer à en faire de meilleures. Car telle est la faiblesse humaine qu'on doit mettre au nombre des bonnes actions l'abstinence du mal qu'on est tenté de commettre. Sitôt que j'eus pris ma résolution, je devins un autre homme. Ou plutôt, je redevins ce que j'étais auparavant, et que ce moment d'ivresse avait fait disparaître. Plein de bons sentiments et de bonnes dispositions, je continuai ma route dans la bonne intention d'expier ma faute, ne pensant qu'à régler désormais ma conduite sur les lois de la vertu, à me consacrer sans réserve au service de la meilleure des mères, à lui vouer autant de fidélité que j'avais d'attachement pour elle, et à n'écouter plus d'autre amour que celui de mes devoirs. Hélas, la sincérité de mon retour au bien semblait me promettre une autre destinée, mais la mienne était écrite et déjà commencée. Et quand mon cœur, plein d'amour pour les choses bonnes et honnêtes, ne voyait plus qu'innocence et bonheur dans la vie, je touchais au moment funeste qui devait traîner à sa suite la longue chaîne de mes malheurs. L'empressement d'arriver me fit faire plus de diligence que je n'avais compté. Je lui avais annoncé de Valence le jour et l'heure de mon arrivée. Ayant gagné une demi-journée sur mon calcul, je restai autant de temps à Chaparillan afin d'arriver juste au moment que j'avais marqué. Je voulais goûter dans tout son charme le plaisir de la revoir. J'aimais mieux le différer un peu pour y joindre celui d'être attendu. Cette précaution m'avait toujours réussi. J'avais vu toujours marquer mon arrivée par une espèce de petite fête. Je n'en attendais pas moins cette fois. Et ces empressements, qui m'étaient si sensibles, valaient bien la peine d'être ménagés. J'arrivais donc exactement à l'heure. De tout loin, je regardais si je ne la verrais pas sur le chemin. Le cœur me battait de plus en plus à mesure que j'approchais. J'arrive, essoufflé, car j'avais quitté ma voiture en ville. Je ne vois personne dans la cour, sur la porte, à la fenêtre. Je commence à me troubler, je redoute quelque accident. J'entre. Tout est tranquille. Des ouvriers goûtaient dans la cuisine.

qu'elle se rebuta et me planta là. Cela ne m'empêcha pas de devenir, selon ma coutume, amoureux d'elle. J'en fis assez pour qu'elle s'en aperçût, mais je n'osais jamais me déclarer. Elle ne se trouva pas d'humeur à faire les avances, et j'en fus pour mes lorgneries et mes soupirs, dont même je m'ennuyais bientôt, voyant qu'ils n'aboutissaient à rien. J'avais tout à fait perdu chez maman le goût des petites friponneries, parce que, tout étant à moi, je n'avais rien à voler. D'ailleurs, les principes élevés que je m'étais faits devaient me rendre désormais bien supérieur à de telles bassesses. Et il est certain que depuis lors, je l'ai d'ordinaire été. Mais c'est moins pour avoir appris à vaincre mes tentations que pour en avoir coupé la racine. Et j'aurais grand peur de voler, comme dans mon enfance, si j'étais sujet au même désir. J'eus la preuve de cela chez M. de Mably. Environné de petites choses volables que je ne regardais même pas, je m'avisai de convoiter un certain petit vin blanc d'Arbois, très joli, dont quelques verres que par-ci, par-là, je buvais à table, m'avaient fort affriandé. Il était un peu louche, je croyais savoir bien coller le vin. Je m'en vantais. On me confia celui-là, je le collais et le gâtais. Mais aux yeux seulement. Il resta toujours agréable à boire, et l'occasion fit que je m'en accommodais de temps en temps, de quelques bouteilles, pour boire à mon aise en mon petit particulier. Malheureusement, je n'ai jamais pu boire sans manger. Comment faire pour avoir du pain? Il m'était impossible d'en mettre en réserve. En faire acheter par les laquais, c'était me déceler, et presque insulter le maître de la maison. En acheter moi-même, je n'osais jamais. Un beau monsieur, l'épée au côté, aller chez un boulanger acheter un morceau de pain, cela se pouvait-il? Enfin, je me rappelais le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain, et qui répondit « qu'ils mangent de la brioche ». J'achetais de la brioche. Encore que de façons pour en venir là. Sorti seul à ce dessein, je parcourais quelquefois toute la ville et passais devant 30 pâtissiers avant d'entrer chez aucun. Il fallait qu'il n'y eût qu'une seule personne dans la boutique et que sa physionomie m'attira beaucoup pour que j'osasse franchir le pas. Mais aussi quand j'avais une fois ma chère petite brioche et que, bien enfermée dans ma chambre, j'allais trouver ma bouteille au fond d'une armoire, quelle bonne petite buvette je faisais là tout seul, en lisant quelques pages de roman. Car lire en mangeant fut toujours ma fantaisie, au défaut d'un tête-à-tête. C'est le supplément de la société qui me manque. Je dévore alternativement une page et un morceau. C'est comme si mon livre dînait avec moi. Je n'ai jamais été dissolu ni crapuleux, et ne me suis enivré de ma vie. Ainsi, mes petits vols n'étaient pas fort indiscrets. Cependant, ils se découvrirent, les bouteilles me décelèrent. On ne m'en fit pas semblant, mais je n'eus plus la direction de la cave. En tout cela, M. de Mably se conduisit honnêtement et prudemment. C'était un très galant homme, qui, sous un air aussi dur que son emploi, avait une véritable douceur de caractère et une rare bonté du cœur. Il était judicieux, équitable, et ce qu'on n'attendait pas d'un officier de maréchaussée, même très humain. En sentant son indulgence, je lui en devins plus attaché, et cela me fit prolonger mon séjour dans sa maison plus que je n'aurais fait sans cela. Mais enfin, dégoûté d'un métier auquel je n'étais pas propre, et d'une situation très gênante, qui n'avait rien d'agréable pour moi, après un an d'essai, durant lequel je n'épargnais point mes soins, je me déterminai à quitter mes disciples, bien convaincu que je ne parviendrais jamais à les bien élever. M. de Mably lui-même voyait cela tout aussi bien que moi. Cependant, je crois qu'il n'eût jamais pris sur lui de me renvoyer si je ne lui en eusse épargné la peine. Et cet excès de condescendance en pareil cas n'est assurément pas ce que j'approuve. Ce qui me rendait mon état plus insupportable était la comparaison continuelle que j'en faisais avec celui que j'avais quitté. C'était le souvenir de mes chères Charmettes, de mon jardin, de mes arbres, de ma fontaine, de mon verger, et surtout de celle pour qui j'étais née, qui donnait de l'âme à tout cela. En repensant à elle, à nos plaisirs, à notre innocente vie, il me prenait des serrements de cœur, des étouffements qui m'ôtaient le courage de rien faire. 100 fois, j'ai été violemment tentée de partir à l'instant et à pied pour retourner auprès d'elle. Pourvu que je la revisse encore une fois, j'aurais été content de mourir à l'instant même. Enfin, je ne pus résister à ces souvenirs si tendres qui me rappelaient auprès d'elle à quelque prix que ce fût. Je me disais que je n'avais pas été assez patient, assez complaisant, assez caressant, que je pouvais encore vivre heureux dans une amitié très douce, en y mettant du mien plus que je n'avais fait. Je forme les plus beaux projets du monde, je brûle de les exécuter. Je quitte tout, je renonce à tout, je pars, je vole, j'arrive, dans tous les mêmes transports de ma première jeunesse, et je me retrouve à ses pieds. Ah, j'y serais mort de joie si j'avais retrouvé dans son accueil, dans ses yeux, dans ses caresses, dans son cœur enfin, le quart de ce que j'y retrouvais autrefois et que j'y reportais encore. Affreuse illusion des choses humaines! Elle me reçut toujours avec son excellent cœur qui ne pouvait mourir qu'avec elle, mais je venais rechercher le passé qui n'était plus et qui ne pouvait renaître. À peine eus-je resté une demi-heure avec elle que je sentis mon ancien bonheur mort pour toujours. Je me retrouvais dans la même situation désolante que j'avais été forcée de fuir, et cela sans que je pusse dire qu'il y eût de la faute de personne, car au fond, Courtille n'était pas mauvais, et parut me revoir avec plus de plaisir que de chagrin. Mais comment me souffrir surnuméraire près de celle pour qui j'avais été tout et qui ne pouvait cesser d'être tout pour moi? Comment vivre étranger dans la maison dont j'étais l'enfant? L'aspect des objets témoins de mon bonheur passé me rendait la comparaison plus cruelle. J'aurais moins souffert dans une autre habitation. Mais me voir rappeler incessamment tant de doux souvenirs, c'était irriter le sentiment de mes pertes. Consumé de vains regrets, livré à la plus noire mélancolie, je repris le train de rester seul hors les heures des repas. Enfermé dans mes livres, j'y cherchais des distractions utiles. Et sentant le péril imminent que j'avais tant craint autrefois, je me tourmentais de rechef à chercher en moi-même les moyens d'y pourvoir quand maman n'aurait plus de ressources. J'avais mis les choses dans sa maison sur le pied d'aller sans empirer. Mais depuis moi, tout était changé. Son économe était un dissipateur. Il voulait briller, bon cheval, bon équipage. Il aimait à s'étaler noblement aux yeux des voisins. Il faisait des entreprises continuelles en choses où il n'entendait rien. La pension se mangeait d'avance. Les quartiers en étaient engagés. Les loyers étaient arriérés et les dettes allaient leur train. Je prévoyais que cette pension ne tarderait pas d'être saisie, peut-être supprimée. Enfin, je n'envisageais que ruines et désastres. Et le moment m'en semblait si proche. Et le moment m'en semblait si proche que j'en sentais d'avance toutes les horreurs. Mon cher cabinet était ma seule distraction. À force d'y chercher des remèdes contre le trouble de mon âme, je m'avisais d'y en chercher contre les maux que je prévoyais. Et revenant à mes anciennes idées, me voilà bâtissant de nouveaux châteaux en Espagne pour tirer cette pauvre maman des extrémités cruelles où je la voyais prête à tomber. Je ne me sentais pas assez savant et ne me croyais pas assez d'esprit pour briller dans la République des Lettres et faire une fortune par cette voie. Une nouvelle idée qui se présenta m'inspira la confiance que la médiocrité de mes talents ne pouvait me donner. Je n'avais pas abandonné la musique en cessant de l'enseigner. Au contraire, j'en avais assez étudié la théorie pour pouvoir me regarder au moins comme savant dans cette partie. En réfléchissant à la peine que j'avais eue d'apprendre à déchiffrer les notes et à celle que j'avais encore de chanter à livre ouvert, je vins à penser que cette difficulté pouvait bien venir de la chose autant que de moi, sachant surtout qu'en général, apprendre la musique n'était pour personne chose aisée. En examinant la constitution des signes, je les trouvais souvent fort mal inventés. Il y avait longtemps que j'avais pensé à noter l'échelle par chiffre pour éviter d'avoir toujours à tracer des lignes et portées lorsqu'il fallait noter le moindre petit air. J'avais été arrêté par les difficultés des octaves et par celles de la mesure et des valeurs. Cette ancienne idée me revint dans l'esprit, et je vis, en y repensant, que ces difficultés n'étaient pas insurmontables. J'y rêvais avec succès, et je parvins à noter quelques musiques que ce fut par mes chiffres avec la plus grande exactitude, et je puis dire avec la plus grande simplicité. Dès ce moment, je crus ma fortune faite, et dans l'ardeur de la partager avec celle à qui je devais tout, je ne songeais qu'à partir pour Paris, ne doutant pas qu'en présentant mon projet à l'Académie, je ne fisse une révolution. J'avais rapporté de Lyon quelque argent, je vendis mes livres, en 15 jours ma résolution fut prise et exécutée. Enfin, plein des idées magnifiques qui me l'avaient inspirée, et toujours le même dans tous les temps, je partis de Savoie avec mon système de musique, comme autrefois j'étais parti de Turin avec ma fontaine de Héron. Telles ont été les erreurs et les fautes de ma jeunesse. J'en ai narré l'histoire avec une fidélité dont mon cœur est content. Et si dans la suite j'honorais mon âge mûr de quelques vertus, je les aurais dites avec la même franchise, et c'était mon dessein. Mais il faut m'arrêter ici. Le temps peut lever bien des voiles. Et si ma mémoire parvient à la postérité, peut-être un jour elle apprendra ce que j'avais à dire. Alors, on saura pourquoi je me tais.